Marianne de Nicourt lit Monsieur Proust, de Céleste Albaret. L'enchantement, ce n'était pas seulement les nuits. Cela commençait dès que Monsieur Proust était vraiment réveillé, après qu'il avait bu son café. Il sortait peu à peu de son repos pour se remettre à la vie. Au premier coup de sonnette, en même temps que le café et le croissant à le lait, je lui apportais son courrier sur le petit plateau en argent de l'entrée. Cela faisait partie des rites. Il ne l'examinait pas avant d'avoir fini son repas. Quand il le prenait, c'était avec des gestes très drôles et d'une grande délicatesse, presque du bout des doigts, comme tous les objets qu'il touchait, et en scrutant l'enveloppe ou l'écriture du feuillet pour essayer de deviner de qui cela venait. Il l'ouvrait lui-même, toujours, sans coupe-papier ni rien, en déchirant le bord. Parfois, il posait une lettre tout un moment avant de la lire et passait à d'autres. Mais alors qu'au début du réveil, tout se déroulait en silence, il ne fallait pas parler s'il n'en donnait pas le signal, au fur et à mesure de la lecture, il s'animait. Il aimait bien à partager son courrier avec moi. Il ne me lisait pas tout, il me disait l'ensemble et me détaillait des passages, ce qui l'amusait ou l'intéressait le plus. Ce qui ne l'empêchait pas de me lire de temps à autre toute une missive, de la première à la dernière ligne. En tout cas, que ce fût à l'arrivée ou au départ, il n'y a aucun doute que le courrier était un de ces moments de délectation. Il fallait voir la jouissance qu'il éprouvait à me lire les lettres de Montesquieu et ses réponses. Il me disait « Écoutez bien, Céleste, je vais vous lire le passage qui compte. Entre chaque mot, vous verrez respirer la haine du bonhomme. Il est magnifique et il riait tant qu'il pouvait. » Même quand il me disait parfois d'un ton découragé, en remuant impatiemment le courrier sur son lit, « Quand je pense à toutes ces lettres qu'il va falloir écrire, moi qui n'ai pas de temps pour mon livre. » Ce n'était au fond que façon de parler. Il disait « Enfin, il faut tout de même bien que je réponde à celle-ci. » Et une fois commencé, cela ne finissait plus. Du moment qu'il y était, cela coulait de sa main. Un des drames de sa vie a été l'inquiétude et le remords d'avoir entretenu trop de correspondances. Il m'en a souvent parlé. C'était devenu une hantise. Céleste, vous verrez. Je ne serai pas mort que tout le monde publiera mes lettres. J'ai eu tort, j'ai trop écrit, beaucoup trop. Malade comme je le suis et comme je l'ai toujours été, je n'ai eu de contact avec le monde qu'en écrivant. Jamais je n'aurais dû. Mais je vais prendre des dispositions. Oui, je vais m'arranger pour que personne n'ait le droit de publier toute cette correspondance. Cela le tourmentait, il y revenait constamment, il en parlait à des gens au dehors. Une nuit, il est rentré très déprimé après avoir passé la soirée avec l'auteur dramatique Henri Bernstein, à qui il avait mentionné l'affaire et qui lui avait répondu qu'il ne voyait guère ce qu'il y pourrait. Il est allé consulter son ami, le banquier Horace Finali, qui ne lui a pas laissé non plus beaucoup d'espoir. Finalement, il s'est rabattu sur son avocat, de ses amis aussi, et cette fois, il est revenu effondré. « Cher Céleste, mon avocat m'a dit, mon pauvre Marcel, tu perds ton temps à vouloir interdire ces publications. Toute lettre de toi qui est entre les mains de son destinataire est la propriété de celui-ci. Il peut en faire ce qu'il veut. » Quelle imprudence, Céleste. Ceux qui ne les publieront pas les vendront. J'aurais donné à tous ces gens des flèches qui se retourneront contre moi. C'était pour lui une catastrophe qui a assombri ces derniers mois. Mais il n'en a pas moins continué à écrire et à répondre. Car c'était vrai que comme il voyait de moins en moins de monde, cela constituait presque son dernier contact. En plus des lettres, tous les matins, il lisait les journaux. Il y avait un kiosque sur le boulevard en face de la maison, et de là, on nous les montait. Leur lecture entrait dans les routines. Il ne laissait pas passer un jour sans les regarder attentivement. Lui, qui était si sensible aux odeurs, celle de l'encre imprimée et du papier journal ne semblait pas l'incommoder. Il suivait tout dans les journaux. La politique, la bourse, les arts, la littérature. Un article d'un critique sur un livre pouvait lui donner envie de connaître cet homme et alors commencer la manœuvre pour arriver à cette fin. Presque chaque jour, il me commentait les grands traits. « Pour votre éducation », disait-il. Et il me montrait les dessins de l'illustrateur du Figaro. Il me les expliquait parce que je ne comprenais pas forcément toute l'allusion. « Regardez, Céleste, c'est pas mal. » Et pareil pour les articles politiques. Il me les commentait, comme son courrier. Ça m'intéressait, c'était fou. Je lui disais, « Quel dommage, monsieur. Avec l'œil et la finesse que vous tenez de votre mère, quel ambassadeur ou quel ministre vous auriez fait. Ah, vous auriez su manœuvrer votre portefeuille. » Et chaque fois cela l'enchantait, et riait, et riait. Il se sentait incompris par sa famille. Son père n'a jamais cru à sa vocation d'écrivain. « Fais ce que tu voudras, même si cela ne te rapporte rien, mais je veux que tu fasses quelque chose. » Il se mettait en colère contre Marcel parce qu'il ne voulait pas prendre une carrière. Et il disait à sa femme, « On ne peut pas le laisser comme ça, avec une vie de mondain, vous en ferez un fainéant. » Il avait horreur de penser qu'il était paresseux. Le pire, c'est que son grand-père, le père de Madame Proust, s'y mettait. « Vous n'en ferez rien de ce petit, il est trop gâté, il faut l'obliger à faire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller à droite, à gauche ?» Madame Proust ne voulait pas que son fils soit grondé. Elle l'a couvé. Il était malade quand même. Elle disait à son mari, « Prends patience, mon petit docteur, tout s'arrangera. Je ne m'en occupe plus, tu feras ce que tu voudras. » Et un beau jour, il n'a plus fait de réflexion à son fils. Il était gâté. Ils l'ont pourri tous. Sa mère faisait tout ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait, fallait qu'il l'ait. Vous savez, cet être, qu'on aurait dit plutôt craintif, mais il fonçait là-dedans dans tout ce qu'il voulait. Quand il y a eu l'affaire Dreyfus, il s'est brouillé avec son père. Il a pris part à cette affaire dès le début de façon acharnée. Il a suivi le procès, il m'a raconté tout en détail. Il prônait Émile Zola et tous les défenseurs de Dreyfus pour leur courage. Songez, Céleste, je suis allée jusqu'à déposer des livres pour le colonel Picard à la prison du Cherche-Midi, où on l'avait enfermé pour son obstination à vouloir faire la vérité sur l'affaire et à innocenter Dreyfus. Tout de suite, il avait percé le mensonge et l'injustice dans le procès et la condamnation. Même papa était anti-Dreyfusard. Nous nous sommes brouillés. Je suis restée 8 jours sans lui parler parce qu'il était contre moi. Je lui disais, « Papa, tu verras que j'avais raison. » « C'était terrible, me disait-il. Toute la France était coupée en deux. D'un côté, l'énorme majorité de ceux qui voulaient croire aux mensonges, et de l'autre, une poignée qui se battait. » C'était Monsieur Proust, de Céleste Albaret. Extrait lu et choisi par Marianne Denicourt. Enregistrement, montage et mixage, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Pascal Deux. Souvenirs recueillis par Georges Belmont et publiés aux éditions Lafont.